Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Rendez-vous les 28 et 29 août à Thiaville-sur-Meurthe pour une nouvelle édition du festival Le Village à Bascule, un mini-festival cette année. Pour nous en parler, nous avons Jérémy au téléphone. Bonjour. Bonjour. Quand a commencé l'aventure du Village à Bascule ? C'est une aventure qui a débuté en 2013, on va dire, voilà, la création de l'association qui s'appelle Le Village à Bascule, avec plusieurs éditions, à Gerbivillers, à Vallée-Châtillon, à Froville, et puis une édition à Thiaville-sur-Meurthe qui devait avoir lieu en 2020, et qui, comme tout le monde le sait, cause Covid, est un peu reportée, d'où ce minuscule Village à Bascule cette année. Qui se déroulera sur 2 jours. Le principe de ce festival, Le Village à Bascule, qui change d'adresse tous les ans, c'était une volonté à l'origine, j'imagine ? Oui, tout à fait. L'idée, c'était de pouvoir œuvrer et travailler sur le territoire qui est celui du pays du Lunévillois, dans son entièreté, avec à l'origine la volonté de s'installer sur une communauté de communes pendant une édition, de travailler sur le territoire avec les habitants, les élus des associations, en tout cas tout le monde, et puis de pouvoir basculer d'une communauté de communes à une autre. Alors, c'est sûr que avec les fusions de communautés de communes, notamment dans le pays du Lunévillois, les choses ont un petit peu changé, mais voilà, l'idée, c'est qu'effectivement l'action puisse fédérer les acteurs sans prétention de l'ensemble du pays du Lunévillois. Et ton rôle, toi, au sein de l'organisation ? Alors moi je suis coprésident de l'association, alors c'est une étiquette qui est surtout celle de bénévole, oui. Avant tout, au sein d'un collectif de personnes qui sont motivées à faire des choses au milieu rural et à essayer de rendre les gens contents et heureux d'aller voir des spectacles, surtout en ce moment. Et oui, ils seront contents de vous retrouver, j'imagine, fin août, les 28 et 29, parce que voilà, il y a une année qui était blanche pour le coup. Qu'est-ce qui se vit au Village à Bascule ? Alors, au Village à Bascule, cette année-là, on est vraiment là sur quelque chose de spécifique qui est un événement qu'on a appelé le minuscule Village à Bascule. On a essayé de prévenir, entre guillemets, les uns et les autres, puisqu'on est sur un événement qui est d'une taille bien moins importante que d'habitude. C'était plus dans l'idée de faire quelque chose, de marquer le coup après cet épisode Covid, avec un nombre de spectacles bien plus limité, mais ça a le mérite d'exister et de permettre la création d'un événement qu'on espère réussi. Voilà. Voilà, donc il va y avoir quoi dans les rues ? Du théâtre, du cirque, de la musique ? Effectivement, on part sur des esthétiques qui sont le nouveau cirque, donc le cirque contemporain sans animaux, avec notamment un spectacle qui est là, du cirque rouage. On a également des arts de la rue, de manière générale, du théâtre de rue, et puis de la musique. La spécificité cette année, c'est que contrairement à, entre guillemets, d'habitude, où on essaye d'investir au maximum les rues, les ruelles, les parcs des communes dans lesquelles on s'implante, cette fois-ci, on aura des sites un petit peu plus fermés pour pouvoir réguler les jauges, puisque c'est la préfecture qui demande cela. Voilà, donc c'est à Thiaville-sur-Meurthe, hein, les 28 et 29, on le rappelle. Et pour faire cette programmation, pour contacter les compagnies, il n'y a pas eu de difficultés, ils étaient tous partants tout de suite. Justement, on a dû déjà faire un tri dans les spectacles qui pouvaient être joués ou non, c'est-à-dire que tous les spectacles qui étaient un petit peu plus confinés pour le coup dans de petits espaces où on ne pouvait pas faire de grosses jauges, c'était moins évident. On a réduit effectivement le volume en essayant de privilégier presque systématiquement des compagnies qu'on avait déjà choisi de programmer, pour lequel on a un regard intéressé. Et puis, effectivement, toutes les compagnies ont été très heureuses, vraiment, de venir jouer, parce que ça fait trop longtemps qu'elles ne peuvent pas le faire. Donc, on a encore plus que d'habitude eu un vrai entrain de la part des compagnies et des groupes de musique pour venir jouer sur ce minuscule Village à Bascule. Et c'est des groupes et des compagnies de la région ou d'un peu plus loin ? Alors, on a un peu de tout. Effectivement, on a essayé de panacher, j'ai envie de dire, au maximum les choses. Donc, on a effectivement des compagnies du coin. Je pense notamment à l'atelier Pistacole de la compagnie Titanos ou Voisins du Monde des Frères Chrysanthème. Il y en a plein d'autres, la Fanfare Couche-Tard. Et puis, on a quelques petits spectacles qui viennent d'un peu plus loin. Je pense à Carnage Productions avec un super spectacle qui s'appelle Lettre Recommandée. Voilà, eux, ils sont basés en Rhône-Alpes. Donc, une belle programmation. Alors, comment on fait pour organiser sa visite ? Parce que ce sera un peu différent des autres années, est-ce qu'il faut réserver et les tarifs aussi ? Alors, je vais commencer par les tarifs, qui est un mot qu'on utilise finalement assez peu au Village à Bascule, puisqu'on met un point d'honneur à proposer le prix libre, c'est-à-dire permettre aux uns et aux autres de venir quoi qu'il en soit et de payer le prix qui semble juste. Alors, soit à travers des épuisettes qui seront disponibles sur le site de l'événement, soit en ligne, effectivement, en réservant ces spectacles et en mettant une contribution volontaire. La deuxième chose, c'est la nécessité, j'ai envie de dire, de réserver au maximum au préalable pour être sûr d'avoir une place pour les spectacles pour lesquels la jauge est, quoi qu'il en soit, limitée. Vous avez un site internet, hein, c'est www.levillageabascule.fr. Vous êtes également sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de numéro de téléphone pour nous joindre. Cela dit, pour toute question, demande de renseignements, etc., on est disponible soit par un message sur les réseaux sociaux, soit par mail levillageabascule@gmail.com, soit via le formulaire de contact du site. Ça paraît un peu impersonnel comme ça, mais on est vraiment derrière l'écran, donc n'hésitez pas à nous joindre pour toute question vis-à-vis de l'événement. Je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce qui fera que cette édition 2021 sera une réussite ? C'est une très bonne question. Eh ben, on aimerait que ce minuscule village à bascule soit, sans faire trop de philosophie, un message d'espoir pour le spectacle vivant, et que ça permette de rappeler aux gens ce que c'est que d'aller voir des spectacles et de sortir soit d'un chapiteau, soit d'une place avec le sourire. Ça serait déjà un événement très réussi si on arrivait à ça. Merci Jérémy. Merci beaucoup.